Les pires paroles d'Alfaouzane. La comédie a assez duré. Il est temps que la supercherie soit dénoncée. Trop de gens propagent des fatwas des savants saoudiens, placés par le gouvernement, pour critiquer et traiter d'égarés ceux qui dénoncent l'impiété, la laïcité, la démocratie et l'hypocrisie des divers gouvernements arabes aujourd'hui. Parmi les fatwas les plus répandues, celle de Salah Alfaouzane. En voici un exemple qui m'a été envoyé il y a peu de temps par mail pour me prouver mon égarement. La fatwa dit, question, quelle doit être notre position vis-à-vis de ceux qui rendent mécréants tous les gouverneurs actuels des musulmans? Sont-ils des khawarij? Conseillez-nous, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra. Réponse du shir. Ceux qui rendent mécréants tous les musulmans, ceux-là sont plus acharnés que les khawarij. Ils sont pires que les khawarij, car ils n'ont pas fait d'exception. Distinction entre les musulmans, et ont jugé que tous les gouverneurs sans distinction étaient des mécréants. Ceci est pire que le madhab des khawarij, parce qu'ils ont généralisé cette mécréance à tous. Fin de citation. Regardez déjà comment Fawzen change les propos. On l'interroge sur ce qui rend mécréants les gouverneurs, et lui répond ce qui rend mécréants tous les musulmans. Est-ce qu'on l'a interrogé sur ceux qui rendent mécréants tous les musulmans ou bien juste les gouverneurs? Cette fatwa de Fawzen est inacceptable pour plusieurs raisons. La première est que Fawzen ne connaît pas l'état des gouverneurs et donc il n'a pas le droit de se prononcer à ce sujet. Ce n'est pas moi qui dis que Fawzen ignore leur situation, mais c'est Fawzen lui-même qui l'a dit dans une conversation téléphonique que les Jahmiyyah de Farqan.com diffusent sous le titre de Sheikh Salah Al-Fawzen explique ses paroles dans son livre « Kitab al-Tawahid » sur le fait de juger avec autre que ce qu'Allah a révélé. Voici la conversation téléphonique. Question. Ô Shir, qu'Allah vous récompense. Certaines personnes ont compris de vos mots dans le livre « Kitab al-Tawahid » dont vous êtes l'auteur. Concernant la question de l'Hakimiyya et de gouverner avec autre que ce qu'Allah a révélé, que vous rendiez mécréant à un gouverneur spécifique qui ne juge pas parce qu'Allah a révélé. Et il s'applique sur les gouverneurs des États du Golfe. Cheikh Al-Fawzan, il rigole au début. Cela est dû aux passions, au hawa. Les mots sont clairs, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Les mots sont clairs. Il y a une explication mentionnée, c'est-à-dire auparavant, au début du chapitre. Et il était alors dit, après ça, que celui qui bannit la charia entièrement et met d'autres lois à la place, cela prouve qu'il voit que les lois séculaires sont meilleures que la charia. Et quiconque tient cette position, il est un kafir. Ceci est textuellement dit dans le livre. Cependant, ils prennent seulement du livre ce qui est en accord avec leur compréhension du livre et ce qui leur profite, et ils délaissent le reste des mots. S'ils avaient lu les mots depuis le début, cela aurait été clair pour eux. Question. Est-ce la même chose pour la déclaration de Sheikh Mohammed Ben Brahim? Sheikh Fawzan. Oui, c'est la même chose. Celui qui abolit la charia et met à la place d'autres lois, alors cela prouve qu'il considère que ces lois sont meilleures que la charia. Et celui qui considère que ces lois sont meilleures que la charia, il est mécréant pour tout le monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Question. Concernant les gouverneurs des pays du Golfe, Sheikh Fawzan, je n'ai pas parlé d'eux. Je ne sais pas quel est leur état. Les mots sont généraux. Tandis que les gens et les individus précis, cela requiert une recherche approfondie. Fin de citation. Il est inutile d'aller plus loin. L'essentiel de cette conversation téléphonique a été mentionné. Le Sheikh Fawzan a-t-il, oui ou non, avoué ne pas connaître la situation des gouverneurs du Golfe, oui ou non? Alors je demande, est-ce que Fawzan connaît la situation des gouverneurs du Golfe? Et à plus forte raison, ceux des pays plus éloignés de lui encore, comme le Maroc ou l'Algérie, oui ou non? Fawzan nous dit, je ne sais pas quel est leur état. C'est Fawzan qui le dit, pas moi. Mais malgré que Fawzan ignore la situation de ses dirigeants, il ne sait ni s'ils sont musulmans ni s'ils sont mécréants. Malgré cela, il arrive à affirmer que ceux qui les déclarent mécréants sont plus acharnés que les khawarij. Ils sont pires que les khawarij, car ils n'ont pas fait d'exception, distinction entre les musulmans et ont jugé que tous les gouverneurs sans distinction étaient des mécréants. Voyons maintenant le commentaire de Sheikh Abdelrahman ibn Talah al-Mukhlif al-Shamri au sujet de ces deux fatwas. Il répond. Cet homme fait partie des savants du Tarut, qui le secourent et s'y allient. J'ai souvent répété aux frères, que celui qui secourt le Tarout et se tient à ses côtés contre les monothéistes, c'est un apostat, car il n'a pas désavoué le Tarout. Par contre, celui qui désavoue le Tarout, s'en innocente, et le déteste, mais qui a une ambiguïté quant à savoir si ce Tarout est mécréant, alors là, il faut examiner son cas en détail. Sa parole est en fait une preuve à son encontre. Pourquoi déclare-t-il dans ses bouquins que celui qui gouverne par les lois humaines est un apostat, mais lorsqu'il parle individuellement, il s'enfuit de ce verdict et de les juger apostats? C'est parce qu'il sait que s'il prononce leur apostasie, il y perdra ses jouissances mondaines, et il a préféré perdre sa vie future pour que se réalisent ses désirs mondains. Qu'Allah nous protège. Si nous devons nous retenir d'appliquer le verdict d'apostasie à une telle époque, quand est-ce que nous le ferons alors? Ces gens-là savent très bien toutes ces choses, mais ils ne veulent pas s'engager à respecter le pacte qu'ils se sont engagés devant Allah Ta'ala. Ils ne se sont pas limités à cacher la vérité, mais bien que le seul fait de cacher la vérité dans une situation pareille encourt la malédiction d'Allah. Allah a dit, « Ceux qui cachent ce que nous avons révélé comme preuve et guidé après que nous l'ayons expliqué aux gens dans le livre, ceux-là sont maudits par Allah et ceux qui maudissent. » Sourate 2, verset 159. Mais ils ont en plus de ça caché la vérité en la couvrant de mensonges, en s'abstenant de juger mécréant celui dont il connaît la situation et le verdict. Mais il a en plus de cela accusé ceux qui le jugent mécréant d'être des égarés, qui suivent leur passion, d'hérésie, d'être des khawarij. Et c'est une attitude des savants juifs et chrétiens. Comme Allah le dit, ô gens du livre, pourquoi couvrez-vous la vérité de mensonges et cachez-vous la vérité alors que vous savez? Sourate 3, verset 71. Quant à leur prétention qu'il faut vérifier si les conditions du tekfir sont réunies, tout ceci n'est que prétexte pour fuir le verdict d'apostasie. Et si nous disons que les conditions ne sont pas réunies, alors qu'ils mécroient en Allah jour et nuit, mais quand ils le seront-elles? De plus, ce genre de question n'a pas besoin de conditions, car celui qui prend le Tarout pour juge n'a pas réalisé le désaveu du Tarout, à moins qu'il ne soit sous la contrainte. Les questions où l'on regarde les conditions et les empêchements concernent les points moindres que le shirk akbar. De plus, s'ils prétendent que ces gouverneurs sont tombés dans une mécréance, mais qu'ils ne les ont pas jugés mécréants jusqu'ici, car ils estiment qu'ils ont une ambiguïté, mais dans ce cas, ne les défendez pas et ne combattez pas ceux qui s'opposent à eux. Est-ce que ceux qui s'opposent à eux sont eux aussi tombés dans la mécréance pour que vous vous teniez aux côtés du Tarout et le souteniez contre les monothéistes? Imaginons que la raison pour laquelle vous ne les jugez pas mécréants est qu'ils ont une ambiguïté. Admettons. Mais pourquoi vous tenez-vous de leur côté alors? Cet homme Fawzen est au nombre des grands menteurs. Il ne connaît pas la situation de ses dirigeants ni ce qu'ils font. Même sa réponse à la question de celui qui interroge au sujet de ceux qui jugent tous les dirigeants des musulmans mécréants, il a répondu « celui qui rend mécréants tous les musulmans ». Alors qu'on l'interrogeait sur les dirigeants uniquement, pas sur tous les musulmans. Il a fait ça pour manipuler et pour faire croire que les monothéistes jugent tout le monde mécréant. Écoute bien sa réponse une seconde fois, tu verras qu'il a d'abord inclus tous les musulmans, puis après spécifié les gouverneurs, alors que la question ne parlait que des gouverneurs. Et il a fait ça pour justifier qu'on traite de khawarij ceux qui jugent ces dirigeants mécréants. Et ceci, car il sait pertinemment bien que les khawarij ne jugeaient pas uniquement les dirigeants mécréants, mais tous les gens. En effet, les khawarij du temps des compagnons ne jugèrent pas Abu Bakr et Omar mécréants. Mais est-ce que les dirigeants actuels sont comparables au statut d'Abu Bakr et de Omar? Alors que tu sais très bien que ceux d'aujourd'hui sont tombés dans la mécréance, et tu prétends qu'ils ne sont pas mécréants, car tu ne connais pas leur situation, alors qu'en vérité tu la connais très bien leur situation. Et tu prétends qu'il y a des conditions qui ne sont pas présentes pour les juger mécréants. Imaginons que tu ne les aies pas vus, mais il se peut que d'autres que toi les aient vus. En plus, toi tu prétends ne pas connaître leur situation. Est-ce que ceux qui jugent ces dirigeants mécréants après avoir réuni les conditions est un khariji? Au pire des cas, s'ils se trompent en les jugeant mécréants, c'est par erreur d'appréciation. Car tu ne nous contredis pas sur la question de savoir s'ils sont tombés dans une mécréance. De ce fait, nous ne sommes pas sur la voie des khawarij, qui eux jugent apostats les musulmans qui font des grands péchés. Donc, ce qu'il reste, c'est la question des conditions du verdict d'apostasie. Et ceci est une question où entre l'ijtihad. L'ijtihad qui se rattache à la connaissance de la situation individuelle des gens. Alors pourquoi les traites-tu de khawarij? Est-ce que Omar ibn al-Khattab est un khawarijé? N'a-t-il pas jugé Hatib mécréant? Alors que Omar a confondu l'acte même de Hatib avec la mécréance? Il ne s'agissait même pas des règles du verdict individuel, mais bien de l'acte de Hatib qu'il prit pour une grande mécréance, alors que l'acte de Hatib n'était pas de la grande mécréance, mais c'était un grand péché. Alors est-ce que Omar est un khawarijé? Et même si nous étions d'avis que l'acte de Hatib était une grande mécréance, malgré que c'est une erreur flagrante selon moi, eh bien Omar l'a traité de mécréant malgré que Hatib était un guerrier qui avait combattu à Badr et qui avait émigré de la Mecque à Médine. Mais malgré cela, Omar n'est pas devenu un khawarijé, malgré qu'il traita Hatib de mécréant, sans que Hatib le soit réellement mécréant. Ensuite, quand Fawzan nous dit que les jugés mécréants est une fitna, alors Abu Bakr et tous les sahabas ont causé la fitna lorsqu'ils jugèrent mécréants les apostats qui refusèrent de donner la zakat, ainsi que tous les savants de la communauté qui ont jugé mécréants les apostats. Et les gens de science qui ont jugé mécréants Gengis Khan et ses suiveurs et ses descendants pour avoir gouverné par Al-Yasir, malgré ceux d'entre eux qui se prétendaient musulmans et qui les ont combattus, ils étaient aussi des fauteurs de troubles sans doute. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah était le pire d'entre eux dans ce cas, d'après l'idéologie de Fawzan. Subhanallah, que leur est-il arrivé? Ils se sont tenus du côté du Tawhid et ont changé la religion d'Allah pour protéger les Tawarites. Et c'est ça le sommet de la foi au Tawhid. Ils mentent et diffament à l'encontre d'Allah. Ils transforment les mots et changent la religion d'Allah pour protéger ces Tawarites et pour que personne ne leur fasse de mal. Par contre, pour les monothéistes qui désavouent le Tawhid et le juge mécréant, ceux-là, ce sont des khawarij dont le sang et les biens sont licites et qu'il est obligatoire de combattre, comme le furent les A'ad et les Tsamoud. Ils sont même les chiens de l'enfer selon leur idéologie et ils le déclarent clairement. Fin de citation.